choisir par quelle différence, par quelle se distinguer. La nature sans courant, pour la vie passionnée. Est-ce que c'est bon?